On aurait dû le noyer car tout ce qui arrive est la suite logique des événements. Pour le moniteur qui mène le monde à la douleur. Je vois.